André Lichtenberger, le caniche à roulettes. Bobby a reçu de son parrain un magnifique caniche à roulettes. Il est tout blanc avec de la vraie laine, et quand on lui tire la tête, il se met à bêler. Avec de la bonne volonté, on peut dire qu'il aboie. Bobby le traîne derrière lui au moyen d'une laisse. Il jubile. Lynn guigne ce spectacle du coin de l'œil. Elle n'a jamais possédé un caniche pareil. Mais il est à Bobby, il n'y a rien à dire. Regarde, Bobby, le joli cadeau que je te fais. Lynn lui offre un gros ballon de cuir que si souvent il a convoité. Bobby le considère avec estime, mais sa main ne lâche pas la laisse. Comme Lynn est ce matin en veine de générosité, elle accourt avec son petit ménage. Regarde, Bobby, c'est aussi pour toi, je t'en fais cadeau. Bobby est ébloui. Toutes les assiettes, toutes les tasses, toutes les cuillères sont à sa disposition. Quel rêve! Soigneusement, il introduit une fourchette dans la bouche du caniche. Et ceci encore! Bobby ne peut contenir un gloussement d'extase. C'est la toilette de poupée elle-même qui lui est offerte avec toutes les brosses, les éponges, le flacon de sang bon. Il va pouvoir débarbouiller le précieux toutou. Et maintenant que je t'ai donné tant de choses, donne-moi ton chien. » D'une main décidée, Lynn la grippe. Mais Bobby jette un cri d'agonie et se cramponne désespérément. Alors, Lynn, forte de son droit, donne une bonne secousse, envoie son frère les quatre fers en l'air, et tandis qu'il geint sur le tapis, elle l'avertit d'un ton sévère. « Il ne faut pas être égoïste !»